Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 30. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 2 avril 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique, au Mangin Palace, tu es place de la Sorbonne, tu es amphithéâtre bondé, tu es Cité U, tu es Cursus, tu es Dany le Rouge et tu es aussi... J'ai une manif contre le chômage. C'est nouveau, ça. Bah ouais, c'est nouveau, mais c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose pour pas que ça dure. Oh. Ouais. Viens, on va quand même pas se battre pour travailler, non. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es étudiant sur les bancs de l'université. La France compte aujourd'hui 2 200 000 étudiants, toutes filières confondues. Et depuis plusieurs semaines, une large partie d'entre eux ont cessé de suivre les cours pour manifester leur mécontentement face au contrat première embauche proposé par le gouvernement Villepin. Alors, à l'heure où l'ambiance est au mouvement de révolte dans les facultés, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'aller traîner ses guêtres dans les couloirs de l'université. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de tes universités. Pour commencer, de la Sorbonne à Nanterre, il faut retracer l'histoire des facultés en France. Ensuite, il faudra essayer de décrire ce qu'est le quotidien d'une vie étudiante. On enchaînera sur une interview exclusive de Guillaume Durand, producteur du magazine Campus, qui viendra nous parler de son expérience de mai 68. Et puis, nous te dévoilerons en secret les propos et réactions qu'ont tenu cette semaine en coulisses les différents leaders politiques et syndicaux face au mouvement des jeunes étudiants en colère. Et enfin, te raconter comment Monique a su traîner Jean-Claude, qui est favorable au CPE, à la grande manifestation de mardi dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr tout le monde monte le son, même les doyens. Leave. Another Brick in the Wall chante en 1979 le groupe Pink Floyd sur l'album The Wall. Another Brick in the Wall parce que certains étudiants, pendant leurs études universitaires, croisent en effet des briques et des pavés sur la plage. Alors, cette semaine, la panique en direct du Mangin Palace s'intéresse donc aux étudiants à l'heure où bon nombre d'universités sont bloquées. Les manifestations d'étudiants ponctuent l'histoire des universités car depuis le Moyen-Âge, époque où l'enseignement était en latin, l'étudiant est un petit impertinent. Vas insigne devotionis. Ça vous emmerde ce que je raconte ? Non. Bon, sinon n'hésitez pas. Devotionis. Les premières universités apparaissent en Europe au XIIe siècle. Ce sont alors des corporations de maîtres et d'étudiants. L'essor des universités se fait au XIIIe siècle avec par exemple la naissance de l'Université de Paris ou de l'École de médecine à Montpellier. Au Moyen-Âge, l'histoire de l'université, c'est avant tout la rivalité de l'Église et du roi qui veulent tous deux dominer le corps universitaire. C'est ainsi qu'en 1257, Robert de Sorbonne fonde sur l'ordre du roi un collège à Paris, la Sorbonne. L'université passe donc peu à peu sous la coupe royale sans totalement s'affranchir de l'influence pontificale. Ces tiraillements entraînent au XVe siècle des grèves et des troubles parfois violents auxquels participe l'étudiant Villon. Mais à partir du XVIe siècle, avec la mise en place progressive de la monarchie absolue, l'université passe sous la tutelle du roi. Elle est donc supprimée sous la Révolution, mais elle est restaurée par Napoléon Ier. L'université impériale est alors très centralisée. La rupture dans l'histoire des universités, c'est la loi de 1896. Les républicains au pouvoir donnent plus d'autonomie aux différents établissements. Au XXe siècle, de nouvelles universités sont créées pour faire face à l'afflux d'étudiants. Ce qui ne manque pas d'intriguer certains esprits perspicaces. Quand il y aura 100 000 universités, 100 millions d'hommes vivant dans les facultés, qu'adonnera-t-il de nos petits métiers ? Restera-t-il un sabotier ? Qu'adonnera-t-il de nos petits métiers ? Restera-t-il un sabotier ? Eh oui, c'est vrai ça. À quand un doctorat de sabotier ? Le doctorat, c'est la fin des études universitaires, alors que le baccalauréat, il faut le rappeler, c'est le premier diplôme universitaire. Mais il ne faut pas rêver. Un doctorat de sabotier, ça ne peut pas exister, car une thèse, ça doit être passionnant. Et une thèse sur quoi ? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas dit ça ? Non. Au lac de ? Paladru ! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors ? Pour faire parler les cons. Pas comme lui. Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je fais ce que je peux. Il faut être indulgent avec les cons. Ce n'est sans doute pas ce que pensaient les étudiants de mai 68 qui avaient graffité à l'Odéon « Attention, les cons nous cernent ». Dans les années 60, il y avait la démocratisation de l'enseignement, il y avait la massification des inscriptions à l'université et... Et puis il y avait le mois de mai qui préparait ses pavés. C'est là qu'on s'est rencontrés, mouchoir sur le nez. Le monde était à refaire. Et dans ta chambre à Nanterre, c'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Et toi, t'en avais presque autant. T'avais un parfum de verveine. Et de grenade lacrymogène. Eh oui, le parfum à la mode au printemps 68, c'était grenade lacrymogène. Le 2 mai 1968, le recteur de l'académie décidait la fermeture de la faculté de Nanterre, occupée par des étudiants qui réclamaient plus de liberté et, entre autres, le droit pour les garçons d'aller dans les résidences des filles. Les étudiants de Nanterre voulaient donc plus de liberté politique, mais surtout, ils s'opposaient à la violence du groupuscule d'extrême droite Occident. Le lendemain, les étudiants occupaient la cour d'honneur de la Sorbonne pour demander la réouverture de Nanterre. Dans la soirée, la police évacuait violemment la Sorbonne. C'est le début des incidents qui durèrent plusieurs semaines. La nuit du 10 au 11 mai 68, c'est la nuit des barricades. Et c'est absolument extraordinaire, nous dit Jean-Claude Bourret. Eh bien écoutez Jean-Pierre Cabache, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle et à deux pas de là, les manifestants refluent tandis que autour de moi les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement, mais vraiment c'est une scène d'émeute extraordinaire. Une scène d'émeute extraordinaire qui se transforme en un mouvement social de masse. La grève générale paralyse la France. Mai 68, c'est surtout une prise de parole tous azimuts pour contester une société sclérosée. Mais le 27 mai 1968, le gouvernement, le patronat et les syndicats signent les accords de Grenelle. Et le 30 mai, l'Assemblée nationale est dissoute. Les gaullistes remportent les élections de juin. Après un mois de tension, tout rentre donc dans l'ordre. En apparence seulement, car la société vient d'être profondément changée. Ainsi, en octobre 68, le mouvement raciste et ultra-violent Occident est dissous. Un mouvement que l'on retrouve pourtant sous un autre nom en 1986. En marge des manifestations estudiantines, le GUD parle. Reportage Jacques Expert, Philippe Reltien. Qu'est-ce que vous faites là? Expliquez-moi. Ben, on défend Assas contre le petit gaucho qui risque de venir pour empêcher les cours. Alors défendre, qu'est-ce que ça va faire? C'est quoi défendre? Comment vous allez faire? Ça veut dire ceux qui veulent travailler, moi, qu'ils puissent travailler. Quoi. Non mais cet après-midi, là, précisément. On reste ici, on défend. Voilà, t'as des bombes lacrymo dans ta poche. Ouais. Et alors? Non, bah bon, tu vas t'en servir? Bah si les mecs viennent nous faire chier, ouais. Alors est-ce que quelqu'un parmi vous est membre du GUD? C'est pas une question pour le GUD, c'est d'être partout et nulle part en même temps. C'est de ne pas se faire voir. C'est là que réside sa force. Donc il est évident que si des gens du GUD sont parmi nous, ils ne vous le diront pas et c'est comme ça qu'ils pourront rester actifs. C'est quoi votre insigne là? C'est une croix celtique. Assas, c'est donc le trou du GUD. Avec une croix celtique assez ambiguë et un rat noir comme symbole, le groupe d'Union Défense, mouvement d'extrême droite, sévit parfois en marche des manifs contre Devaquet en 1986 ou contre le CIP de Balladur en 1994. Et oui, les mouvements étudiants sont nombreux après mai 68, mais ils n'en atteignent jamais l'ampleur. Mai 68 a un statut particulier dans la mémoire des Français, entre détestation pour certains et nostalgie pour d'autres. Nostalgie d'une époque où les concierges étaient en vogue et où il n'y avait pas de parc-mètre. Naguère, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc-mètre. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passée. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette zig solité à l'élite qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque, puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette comme à mes oreilles la variété sato qui rime avec pop solette. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque galipette. Des jouettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Obsolète, c'est ce que pense MC Solar en 1994 sur son album intitulé Prose Combat. Obsolète parce qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, même avec un bac plus 12, tu es parfois, comment dire, obsolète. Alors, pour continuer notre exploration dans la galaxie estudiantine, après avoir survolé l'histoire des universités, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser à la vie quotidienne d'un étudiant aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble qu'elle n'est pas si dure qu'on le dit. Tout d'abord, intégrer l'université, c'est avant tout s'avancer un peu plus sur le long chemin qui te conduit vers la sagesse, à savoir l'âge adulte. Devenir étudiant, c'est enfin quitter la scolarité un peu rigide et infantilisante du lycée pour découvrir les joies d'une vie un peu plus indépendante. Et d'ailleurs, l'un des premiers signes de cette liberté, c'est qu'en général, tu choisis seul le cursus des études supérieures que tu désires approfondir. Par exemple, si tu aimes les films de gladiateurs, tu fais histoire. Si tu aimes les infirmières nues sous leur blouse, tu fais médecine. Et si tu aimes faire semblant, tu fais les beaux-arts. Quoi qu'il en soit, quand arrive le moment de l'inscription universitaire, c'est là que tu sens bien que le personnel administratif des universités ne te considère plus comme un enfant. Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus. Vous avez votre fiche d'inscription? Je viens de la récupérer. Il n'y a rien qui est rempli, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi, c'est... Mais je viens de l'avoir. Ils avaient perdu mon dossier, je suis obligé d'en remplir un autre. C'est ça. En attendant, vous êtes vraiment tous pareils. Hein. Vous y prenez toujours au dernier moment pour remplir des dossiers qui demandent des papiers qui viennent de... Je l'avais fait, mais ils ont perdu mon dossier. C'est quand même pas de ma faute s'ils paument les dossiers. Je voulais juste savoir c'est quoi les autres papiers dont j'ai besoin pour le dossier, qu'il soit complet. Ouais. Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle est avec le dossier. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université, votre carte de mutuelle étudiant, faut que vous me la donniez, vous êtes à la SMEAP ou à la MNEF ? MNEF. Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut aussi que vous alliez au bureau de la MNEF, au bâtiment D, au rez-de-chaussée, pour obtenir le formulaire E111. Hein? Oui, bah faites pas. Si vous avez pas ce documentaire-là, vous pourrez pas vous faire rembourser vos frais médicaux et vos médicaments une fois que vous serez sur place, d'accord? Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, bah, comme tous les dossiers, hein, il faut un CV, une lettre de motivation, l'intitulé de votre DEA, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà. Tout ça. Voilà, tout ça. C'est quand même pas compliqué. De la même manière, quand tu es étudiant et que tu veux déposer un dossier à la caisse d'allocation familiale pour obtenir une aide au logement, il ne faut jamais oublier l'ensemble des documents nécessaires. Sinon, tu reviens à chaque fois qu'il en manque un. Cela dit, si tu réclames en tant qu'étudiant une aide au logement, c'est qu'a priori, tu as quitté le foyer parental pour t'installer dans tes propres appartements. Oh, franchement, c'est pas du luxe ? Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il y avait Che Guevara, les Pink Floyd et Johnny. Sur le vieil électrophone, trop souvent détraqué, elle écoutait les Stones et Maxime Le Forestier. Alors oui, un pauvre boui-boui peut-être, mais avec les Stones et Maxime Le Forestier quand même. À l'opposé, certains étudiants se plaignent aussi parfois de devoir rester vivre chez leurs parents. Alors que tout le monde le sait, quand on étudie, on est si bien près de sa famille. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaries et une chatte. D'accord, c'est vrai, le quotidien étudiant, c'est parfois la misère. Et il arrive bien souvent aujourd'hui que les jeunes qui poussent leurs études doivent trouver des petits boulots. Livreur de pizza sous la pluie, caissière exploitée au supermarché ou babysitter harcelé par les mômes. Mais bon, en même temps, la situation financière des étudiants n'est pas si grave. Ils ont des tarifs préférentiels partout. Le cinéma, c'est moins cher, le train, c'est moins cher, les prêts bancaires, c'est la bonne affaire, et ils ont même des restaurants qui leur sont réservés. « Les étudiants en ont ras-le-bol de leur restaurant universitaire. Mardi dernier, déjà, 30 000 étudiants sur toute la France ont boycotté les restos. Vendredi, une pétition de plus de 100 000 signatures a été remise à l'Élysée, à Matignon et auprès du ministère de l'Éducation pour obtenir l'amélioration de la qualité des repas. Car ça n'a jamais été aussi mauvais et aussi cher, comme l'explique José Vierte, secrétaire général de l'Union nationale des étudiants de France, au micro de Brigitte Jean-Perrin. Au restaurant universitaire, régulièrement, c'est purée, ravioli, sans viande, parce que la viande, elle est dans les raviolis, dans une assiette en carton, les deux en même temps. Et tout ça pour 8 francs. Bon, c'est quand même pas tous les jours comme ça. Parfois, il y a quand même des nouilles à l'eau avec de l'œuf. Hein. Un œuf dur, ou un œuf pas dur, mais un œuf. Il y a aussi ce qu'on appelle les chaînes rapides. Et si on veut en plus un yaourt, c'est 3 francs en plus. Si on veut les carottes, c'est 8 francs en plus. Et pour avoir des carottes, un steak frites, steak haché frites, plus un petit yaourt, c'est un repas à 15 francs. Et voilà, encore des jérémiades. Grosso modo, une vie d'étudiant, c'est revendiquer tout le temps. Heureusement, quand arrive l'échéance des examens ou des partiels, moment clé de la vie étudiante, les professeurs d'université savent remettre un peu d'ordre. Et là, pour une fois, tout le monde se tient à carreau. Tu me diras, il y a de quoi. Vous devez poser devant vous votre carte d'étudiant et votre convocation. La carte d'étudiant sera relevée par le surveillant qui vous la rendra à la fin de l'épreuve en échange de votre copie. Vous ne pouvez quitter la salle avant la première demi-heure qui suit la distribution des sujets d'examen. Vous ne devez avoir devant vous ou près de vous aucun document, livre, note de cours, polycopié, dictionnaire. Alors, il est vrai, sans aucun doute, que la période des examens universitaires est un moment difficile, périlleux et angoissant. Mais en réalité, cette période ne dure que quelques jours et au final, sous prétexte d'avoir été soi-disant stressé, l'étudiant reprend très vite sa vie de patachon. Donne-moi une latte et j'aurai de l'inspiration. J'en prendrai bien une autre pour la décontraction. Alors maintenant, arrivé à mi-parcours de cette émission, pour compléter notre regard sur le monde étudiant, nous avons joint cette semaine au téléphone un journaliste qui produit un magazine tous les vendredis soirs sur France 2 et qui s'intitule Campus, à savoir Guillaume Durand. Pour commencer, nous avons simplement voulu savoir où il se trouvait en mai 68, réponse juste après le jingle. Dans la rue. J'étais jeune, mais c'est assez paradoxal parce que j'ai été assez emmené dans la rue par mon père, qui était marchand de tableaux. Et je me souviens qu'il m'a emmené à la Sorbonne. Mais la période était folle parce qu'il y avait quand même des manifs de marchands de tableaux en colère. Les marchands de tableaux, comme les gens du cinéma, en tout cas une majorité d'entre eux, n'étaient pas les plus à plaindre de la société de l'époque. Donc pour moi, ça a surtout été vécu comme une sorte de révolution culturelle, plus que comme une révolution politique. Il y avait le rock, j'étais quand même très jeune, moi, en 68, hein, puisque moi, je suis né en 52. Ça m'a plus rapproché de la cinémathèque, de la musique, des filles, que dans un premier temps de la politique. En 68, je devais être en seconde, lycéen en seconde. À l'époque, c'est Michel Field qui était le chef des lycéens en colère. Voilà quoi. Michel Field en chef des lycéens en colère. Eh oui, les temps changent. Mais bon, cela dit, Guillaume Durand, après mai 68, vous avez fait quoi? Vous étiez où ensuite? Moi, j'ai continué mes études et je me suis retrouvé en prépa HEC parce que j'étais plutôt bon à l'école. Mais moi, j'ai été, comme beaucoup de gens, détruit par 68. C'est comme le canard à qui on coupe la tête. J'ai été détruit par 68 deux ans après. C'est-à-dire, quand je me suis retrouvé en prépa HEC, en plein milieu de l'année, j'allais de plus en plus à la cinémathèque, de plus en plus dans les concerts, et de moins en moins aux cours qui étaient les cours de prépa HEC. Et je suis sorti totalement de ce pourquoi j'étais prédestiné ou fait, etc., pour changer totalement et faire des études d'histoire et être prof d'histoire. Mmh. Ce qui d'ailleurs, avec le recul du temps, est amusant, parce que ce que, à l'époque, j'ai vécu comme une libération, Je pense que c'est peut-être aussi une des illusions qu'on retrouve aujourd'hui. C'est l'illusion qu'on va pouvoir échapper, d'une certaine manière, par une activité professionnelle au monde du travail tel qu'il est organisé. C'était Guillaume Durand pour La Panique au Mangin Palace. Slogans, chanson enregistrée en 1979 par Bob Marley et retrouvée par ses fils dans les cartons en 2003. Slogans, parce qu'à l'université, tu dois redoubler d'efforts pour trouver des slogans porteurs pour les manifs. Étudiant, dian-dian, CRS, ah, c'est toi qui l'as dit chez toi, attention. Alors, pour poursuivre ce voyage au cœur du monde universitaire, il est temps désormais, à 11h32, de nous arrêter quelques minutes sur l'actualité. À savoir sur les mouvements étudiants de ces derniers jours. Et en exclusivité, nous allons te dévoiler quels ont été les propos qui ont été tenus en coulisses cette semaine par les principaux leaders politiques et syndicaux sur cette jeunesse universitaire en colère. Voilà plusieurs semaines que de Tolbiac à Jussieu ou de Rennes à Marseille, les étudiants bloquent leurs universités et continuent de manifester leur colère dans la rue à cause du dialogue de sourds qui s'est instauré entre eux et les membres du gouvernement. Les étudiants auraient donc le sentiment d'être méprisés par les ministres au pouvoir. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Mardi soir, après la forte mobilisation des grévistes dans la rue, Dominique de Villepin a tout à fait compris le message de cette jeunesse. Et d'ailleurs, il l'a clairement expliqué juste avant le dîner à son directeur de cabinet. Quelle joie d'être l'idole des jeunes, pour des fans qui cassent les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Ainsi, fort selon lui de cette popularité auprès des jeunes, mercredi matin, juste avant le Conseil des ministres, Dominique de Villepin a chuchoté à l'oreille de président Chirac qu'il ne fallait céder sur rien. Les étudiants, il les a bien en main. Cela dit, président Chirac a aussi son avis sur la question. Et pour lui, de toute façon, quelles que soient les études supérieures qu'entreprennent aujourd'hui les jeunes, ça ne change rien. Pour président Chirac, l'horizon est le même pour tous. Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée, un sans-emploi nous est donné. Donc, face à cette fatalité du chômage qu'entrevoit président Chirac pour les jeunes étudiants, les deux têtes du pouvoir exécutif sont bien d'accord, on ne cède pas sur le CPE. Au Conseil des ministres, il y avait également, bien entendu, le ministre de l'Intérieur qui, lui aussi, est directement concerné par cette crise étudiantine. Et devant les membres du gouvernement réunis, Nicolas Sarkozy en a profité pour exposer son point de vue sur la situation. J'ai la matraque, le casque et les bottes. Quel est mignon ! Le grand bouclier et les menottes. Les gaz lacrymaux, le beau fusil. La tudan nous a même dit qu'on reviendrait sûrement jeudi. Vendredi. Pour faire cavaler tous ses fils à papa. Ces étudiants qui fument de la marijuana. C'est pas bien. Mon petit sac est prêt pour atterrir. Les compagnies républicaines. week-end de sécurité. Alors que les discussions musclées se poursuivaient au Conseil des ministres sur les solutions à apporter à cette crispation étudiante, au même moment, au siège du MEDEF, principal syndicat du patronat, Laurence Parisot, la présidente, avait réuni discrètement quelques collaborateurs. Au lendemain de cette manifestation importante, il s'agissait de faire le point. Et pour Madame Parisot, il est bon que le Premier ministre n'ait pas cédé à la colère des étudiants. Mercredi matin, donc, Madame Parisot était pleine d'admiration pour Monsieur Villepin. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Oui, pour le MEDEF, le discours du Premier ministre, ce sont paroles d'évangile. Cela dit, à l'opposé, à gauche donc, les propos tenus en coulisses sur le mouvement étudiant contre le CPE sont tout aussi passionnants. Ainsi, après le succès de la mobilisation de mardi, Bernard Thibault, délégué général de la CGT, a lui aussi, dans la foulée, réuni ses proches collaborateurs pour leur exposer ses points de vue sur le monde étudiant. Mon père, il dépensait beaucoup d'argent parce qu'il voulait que je fasse des études. Parce que les études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi je faisais gaffe, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Eh ben déjà, ça coûte du pognon. J'ai été à l'école vachement longtemps, moi. Jusqu'à temps qu'il ferme, c'est pas lui. Eh, j'étais à la faculté. J'ai eu comme professeur le doyen de la faculté, moi. Qui les avait plus, ces facultés, depuis un moment déjà. Hein. Orangina, on l'appelait. C'est complètement secoué, hein. Ah ben nous, on l'a remué, on y a jamais décollé la pulpe du fond. Hein. Ah ouais. C'était un mec qui nous vendait de l'intelligence, il avait pas un échantillon sur lui. Mon père voulait que je fasse études parce qu'il voulait que je suis technocrate. Parce qu'ils étaient technocrates, c'est une nouvelle race de feignants. Mon père, il disait, technocrate, c'est des mecs que quand tu leur poses une question, une fois ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question qu'il t'a posée. Mon père, il disait, les technocrates, si on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Toujours à gauche, outre les syndicalistes, au Parti Socialiste cette fois, beaucoup des cadres dirigeants se sont prononcés publiquement en faveur du mouvement des étudiants contre le CPE. Cela dit, la personnalité la plus en vue à gauche ces temps-ci, à savoir Ségolène Royal, certes, a pris position, mais elle est restée plutôt discrète, comme à son habitude en ce moment. Et oui, y compris sur ce dossier, elle a répété au bureau politique quelle était sa ligne de conduite. Ensuite, à l'extrême gauche, on s'est fortement réjoui de ce climat insurrectionnel lancé par les étudiants enfants de la bourgeoisie. Ainsi, c'est avec beaucoup de cynisme qu'Olivier Besancenot, dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire, évoquait discrètement mercredi dans la journée ce qu'il pensait de cette mobilisation étudiante et il s'en léchait déjà les babines. J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue sur le bout. Petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue. Et puis, comme un coup de tonnerre pour les étudiants, est arrivée jeudi soir la redoutable décision du Conseil constitutionnel qui rend désormais légale la loi dite sur l'égalité des chances. Quelques minutes avant de rendre sa décision publique, le Conseil réuni a téléphoné à président Chirac pour lui détailler un peu plus cette fameuse décision. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans la foulée de cette décision, président Chirac est intervenu vendredi soir à la télévision et à la radio pour dire aux étudiants que malgré leur combat, il allait donc quand même promulguer cette loi. En quelque sorte, pour les étudiants grévistes... Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer. Il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Peuple est mort, c'est ce que constate Mickey 3D sur son nouvel album intitulé Matador. Le peuple est mort parce que depuis la démission, la décision du gouvernement sur le CPE, certains pensent en effet que la voix du peuple ne compte plus. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers des universités, il est grand temps maintenant, à 11h43, de retrouver nos deux éternels étudiants, les motivés Monique et Jean-Claude. Cette semaine, nos deux héros ont dû subir les positions politiques de leur fils Rémi. Rémi, la lutte contre le CPE, c'est son premier engagement. Étudiant à l'université depuis le mois d'octobre, il a participé aux assemblées générales et parfois, Rémi, il a assisté à des débats passionnants. Ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut pas justement, c'est de venir ici pour parler uniquement de la litanie Trotsky sur la lutte des classes. Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes. Moi je sais pas ce que c'est que la lutte des classes. Non, ça me ferait bien marrer. Moi je sais pas ce que c'est que la lutte des classes, mais je sais certainement mieux que toi, va. Ta gueule. Ton congrès à toi, c'est la taille des banderoles. Si on doit aller à la manif à pied ou en métro. Ça s'appelle pas du concret, ça s'appelle de l'organisation. Peut-être qu'ils auraient plus de temps. Et toi, quand on entend pseudo-anarchiste, tu connais pas ça. Tu rigoles, il y a des frites. Je rappelle, le départ pour la manif est à 14h. Le départ de la manif est à 14h. Très bien. Mais avant cela, il a fallu voter le blocage de l'université. Une nouvelle AG a été convoquée et tout le monde a écouté les arguments des uns et des autres. Il y a même un étudiant en droit qui est venu expliquer pourquoi il n'était pas juste de bloquer l'accès aux amphis. Qui c'est qui est très gentil ? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant ? Très méchant. Qui a tous les premiers prix ? Très gentil. Qui roupille au dernier rang ? Très méchant. Qui fait des économies ? Argent. Les méchants. Qui c'est qui vend des fusils? Les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant? Les méchants. Malgré les arguments de l'étudiant en droit, le blocage de l'université a été voté à une large majorité. Rémi est content, la lutte continue, il est plus que jamais... Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Rémi est motivé, mais il y a tout de même une petite chose qui le chagrine. Sa copine Nathalie doit bientôt passer des concours et elle ne veut pas participer aux manifs afin de réviser. Alors, malgré tout, Rémi appelle Nathalie. Je t'ai réveillée ? Alors le grec, comment ça s'est passé ? La catastrophe. Quand ça va mal comme ça, c'est à ma mère que je pense. Mais c'est parce que demain c'est le français, alors j'ai fait l'impasse sur tellement de choses. T'es où là ? Je suis dans la cuisine. Mais t'es comment ? T'es toute nue ? Mais non, je suis dans la cuisine. Mais on peut très bien être tout nu dans la cuisine, se dit Rémi, qui a les idées larges et les cheveux courts. Rémi, il veut convaincre sa copine Nathalie du bien fondé de sa lutte contre le CPE. Et Rémi, qui n'est pas en fac de lettres pour rien, il sait trouver les mots justes. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est encore plus facile que de parler de rien. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Et oui, Rémi, il a réussi à convaincre Nathalie. Ils partiront tous les deux pour la manif, main dans la main. Rémi et Nathalie se retrouvent donc en pleine manifestation contre le CPE. Ils ont fabriqué une banderole et chantent à tue-tête les slogans repris en chœur par tous les manifestants. Quand, soudain, Rémi voit arriver dans le cortège ses parents, Monique et Jean-Claude. Jean-Claude, qui est favorable au CPE, est venu ici pour convaincre son fils qu'il faut tout tenter pour réduire le chômage des jeunes. Rémi, le comportement de son père, ça le sidère et il le lui dit. Monique, elle, qui est contre le CPE, est aussi venue manifester. Elle porte son vieux jean pas de def, des Clarks, ainsi qu'une relique. Un t-shirt sur lequel est inscrit « De vaquer, serre les fesses, on arrive à toute vitesse ». Jean-Claude lui a dit que les jeunes se moqueraient d'elle, habillée ainsi. Mais Monique, elle sait qu'elle sera acceptée comme elle est. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé. Le poing levé vers l'avenir, c'est le geste de tous les manifestants, sauf un, Jean-Claude, qui lui est favorable au CPE et qui se moque de tous ces jeunes déchaînés. Soudain, Jean-Claude sent qu'on lui tape sur l'épaule. Il s'apprête à baffer le gauchiste quand tout à coup, il se rend compte que c'est Michel et Pascal, d'anciens camarades de fac qu'il n'avait pas revus depuis des années. T'as pas changé ? Qu'est-ce que tu deviens ? Fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Michel et Pascal félicitent chaudement Jean-Claude de son engagement contre le CPE. Jean-Claude se souvient alors de son passé d'étudiant contestataire, mais surtout, il ne veut pas passer pour un vieux réac. Alors il dit à ses deux vieux copains que c'est son fils Rémi qui lui a demandé de venir à la manifestation. Il m'entraîne à tout feu, tout flamme, à une grande manifestation, à une grande manifestation. De celle qui rassemble à Paname la fine fleur de la nation, la fine fleur de la nation. Ouh, ouh, méfions-nous, les flics sont partout. Ouh, ouh, méfions-nous, les flics sont partout. Effectivement, Jean-Claude vient de se rendre compte que depuis un moment, la présence policière se fait plus intense. Une petite bande de casseurs est en effet en train de remplacer la violence sociale par la violence tout court. Rémi, qui ne veut pas que les casseurs décrédibilisent le mouvement des étudiants, va au-devant d'un jeune à capuche et lui demande pourquoi il a cassé un rétroviseur. Le lascar lui répond que... Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Rémi abandonne rapidement la conversation avec le casseur et décide d'aller parler à un CRS. Le compagnon républicain de sécurité reste statique et muet. Rémi lui pose pourtant plein de questions. Quel effet ça fait de recevoir des pavés sur le casque ou de respirer des gaz? Mais le CRS reste stoïque, impassible et muet. Ce qui énerve Rémi. Combien de temps Rémi va-t-il rester face au CRS? Pas très longtemps, car il est tard et l'ordre de dispersion a été donné. C'est la fin de la manif et ça commence à chauffer. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris. Quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Le bruit des matraques sur les crânes intelligents marque la fin de l'histoire. Jean-Claude est toujours favorable au CPE, alors que Monique et Rémi, eux, sont contre. Jean-Claude n'a pas su convaincre son fils en politique. Peut-être y arrivera-t-il mieux en amour. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur, aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle, c'est ce qu'affirme en 1962 l'inépuisable Claude François. Belle, belle, belle, parce que les années passées sur les bancs de l'université sont rarement de mauvais souvenirs. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur du monde universitaire. Des amphithéâtres de la Sorbonne aux délices des Restos U, des pavés qui volent aux pavots qui se fument et de mai 68 aux manifs de Rémi, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le monde étudiant. Alors, c'est quoi exactement aujourd'hui être étudiant ? Eh bien, c'est principalement être titulaire du baccalauréat et de poursuivre des études supérieures. C'est surtout une période initiatique qui aura des effets sur le reste de notre vie. C'est là que se dessine notre profession, nos engagements politiques, quels qu'ils soient, et c'est aussi la période où tous les excès sont permis. Être étudiant, c'est surtout être jeune et avoir l'avenir devant soi, donc rien d'étonnant à ce qu'on refasse le monde tous les jours. Et oui, être étudiant, c'est contester. De François Villon à Cohn-Bendit, l'image de l'étudiant n'est pas seulement celle du bûcheur enfermé dans une bibliothèque. Et puis, les étudiants d'aujourd'hui seront les décideurs de demain. Alors bien sûr, il faut prêter attention à toutes leurs revendications. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! Oh yeah! Alors, pour terminer, la panique au Mangin Palace va t'expliquer en quoi mai 68 est fondamentalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Pour commencer, mai 68 se situait dans un contexte de forte croissance économique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. À l'époque, il y avait aussi, parmi les contestataires, des figures intellectuelles emblématiques, comme Jean-Paul Sartre ou Aragon. Et aujourd'hui, tu as BHL ou André Glucksmann. Bon ben, là c'est clair. Et puis en 68, c'était la guerre du Vietnam, l'impérialisme américain. Alors qu'aujourd'hui, eh ben... Ah, pardon, là c'est pareil. Et enfin, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la revendication est précise. Les jeunes veulent le retrait du CPE. Alors qu'en 68, ça partait dans tous les sens. Par exemple, à la faculté de médecine, on pouvait lire « on ne revendique rien, on prend ». À la Sorbonne, « baisez-vous les uns les autres, sinon ils vous baiseront ». Et à Sancier, « soyez réaliste, demandez l'impossible ». Mais bon, des manifs d'étudiants, il y en a eu hier, il y en a aujourd'hui, et il y en aura sans doute demain. Et dans ces moments-là, la rue est à eux. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria. Non, c'est eux qui sont la roi. Et la loi qui est ça. Et crevons la sourde oreille. En avant, la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil. Souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues. Déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut. Sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue. C'est la rue qui est à nous. Non, c'est eux qui sont la roi. Et la roi qui est ça. La rue qui est à nous chante en 2000, la rue qui est à nous. Voilà, fin du 30e épisode, c'était C'est quoi être étudiant, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace, le Radio Mix. Ça a été coécrit Les Doigts dans la Prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Marco Mutel, alias Maître Yoda. Merci beaucoup Marco, qui était assisté aujourd'hui à la technique de Julien Chabassu et de Thomas Robin. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard et à Amel Galdi. Pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Et enfin, merci beaucoup à Catherine Pinto, notre jeune stagiaire. Pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. N'oubliez pas de composer le 110 tout le week-end contre le sida. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout... Surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio.